Bon, cours sur l'écoute anthropologique, troisième partie, 12 mars 2016. Voilà, là on est rendu à l'analyse comparative des deux mythes d'Adam et Ève et de Isis et Ré, ou Ré et Isis. Est-ce que ça vous a inspiré quelque chose que d'avoir à comparer ces deux mythes-là? C'était pas un texte complet, c'était le mythe qui était oui, là, oui. Dans cette partie. Mais quand même, ça coupait apparemment où ça disait, ça irait dire quelque chose. Mais bon, c'est pas. C'était où ça? La page 340. Ici, on dit, on a porté ce livre, ça commence à raconter une histoire après que le roi vous voyez dévaster les Ah oui, mais c'est surtout là où il y a Ré et Isis. Hein, et pas, là, ce n'est plus Ré et Isis. Non, quand c'est plus Ré et Isis, c'est fini. Ah, ok. On n'a plus à. Parce que je pensais qu'il fallait savoir qu'est-ce qui s'est passé après avec les rois. Non, non, c'est non. C'est ça que je voulais savoir. Non? Ah, ça n'a pas d'importance. Okay. C'est juste avec Isis, le rapport. Oui, c'est ça, c'est le rapport entre Ré et Isis. C'est tiré de quel livre, ça? C'est tiré dans le livre? Oui, oui. On peut commencer pour voir un peu le deux mythes, comme tel. C'est ça, oui, il y a. Je peux apporter des éléments de. De celui de Isis et Ré. Oui, oui. Et après, bon, ben, après en même temps, les autres peuvent peut-être apporter des éléments de l'autre mythe, Adam et Ève, et on peut comparer. Bon, selon que je me souviens, Isis voulait avoir le pouvoir de Ré. Ré, c'est le dieu, le père principal. Oui, le dieu soleil, quand même. Oui. Mais il y en a qui est supérieur à lui, qui l'a créé, mais quand même, c'est Nahum. Oui. Nahum, qui. Dans la mythologie. Ben, bon, mais Ré, c'est considéré comme le roi, le roi des rois, des choses comme ça, la majesté. Et ici, c'était sa fille et sa sœur en même temps. Oui. C'était, bon. Mais elle voulait avoir, elle avait beaucoup de pouvoir et tout ça, je me souviens très bien en quoi. Mais elle voulait avoir tous les pouvoirs du roi. Elle voulait avoir ses pouvoirs au c'est complet. Ça. À cause de son nom. Ah, c'est ça. Et la seule façon qu'elle pouvait avoir ce pouvoir-là, c'est. De connaître son vrai nom, un nom qui ne s'était pas dit, un nom qui était comme caché. Parce que les dieux avaient plusieurs noms, Mais il y avait un nom qui était paradis. Qui était caché. Qui était caché. Et que ce nom-là, c'était le nom, en sachant ça, en apprenant ça, c'est ça qu'il ici pourrait avoir le pouvoir absolu. Donc, il a pris de la salive du roi qui est tombé sur la terre. Il a pris la terre avec la salive et l'a créé comme un serpent. Non, mais avant la serpente, c'était comme un sceptre ou quelque chose comme ça. Ah, c'est un roi qui est devenu après un serpent, c'est ça? Ok, c'est ça. Mais j'ai quoi? Pas... Donc, c'est comme un... Elle a façonné comme un morceau de bois. Et après, qui est devenu un serpent. Un serpent qui lui a mordu. Oui. Et elle a placé la serpent dans le chemin où le roi devrait traverser. C'est ça. Et la serpent lui a mordu. Et d'une façon fatale, d'une façon dévastateur. Il n'y avait rien qui pouvait le guérir. Donc Isis lui a dit de dire, dis-moi ton nom et comme ça tu pourras guérir. Il a dit, je suis le Dieu tel, je suis tel, je suis... Mais il a dit, non, mais ce n'est pas ton vrai nom. Il y a ton nom, dis-moi un secret. Et comme ça. Parce que ça dit que Isis a créé une ruse. Mmh. À travers une ruse. Mmh. Elle a fait dire au roi son vrai nom. Donc lui lui a dit dans l'oreille à Isis. Et il a guéri. Et Isis a pris tout le pouvoir. Mais après, lui, il se rend compte qu'il a été, il avait été trahi. Oui. L'ami de Daniel. Ok, on va écrire ça. On va écrire Yahvé. Il se promène dans son jardin. Il y a la salive. Le serpent. Le nom caché aussi. Il y a la souffrance. Mm-hmm. Ah, on, il y a des champs. Il faut marquer qu'il a été piqué. Ensuite, la souffrance. Ensuite, on a le nom secret. Le pouvoir, je dirais aussi. Et le pouvoir. La guérison. Le pouvoir de guérison. Voilà à peu près. Hein. Prenons maintenant avant de prendre l'autre mythe, on peut supposer que la salive et le serpent ont un caractère sexuel. Hein. La salive, c'est, on peut dire que c'est la semence. Il y a la terre aussi. La terre, oui. Mm-hmm. La terre, c'est bon. C'est la féminin, non? C'est la salive dans la terre. Mm-hmm. La salive et la terre, oui. Et le serpent, c'est le phallus. On peut penser que c'est le phallus. maintenant, prenons la monnaie des champs. C'est le nom. Il n'y a pas de monnaie des champs. Oui, elle lui soutire quelque chose. Mais là, on n'est pas vraiment dans... Il n'y a pas d'unité monétaire. Elle le fait souffrir. Hein? C'est un genre de troc. Tu me dis ça, je te donne ça. Oui, c'est ça. Je te fais souffrir, puis si tu veux guérir, donne-moi ton nom. Il y a un échange, un troc, mais... Parce que dans ce que j'avais lu, c'est comme si ça l'expliquait bien le changement du système communautaire au système d'échange. Parce que dans le fond, quand il est seul au départ, il est dans une toute puissance, il n'a pas besoin de donner son nom parce qu'il existe par lui-même. Puis dans le fond, à partir du moment qu'on lui demande son nom, c'est comme ça l'instaure l'échange avec l'autre. Oui. Oui, mais là, on est en train de donner du sens de nous-mêmes. C'est vrai ce que tu dis, ça a l'air, effectivement, mais c'est une interprétation qui vient de nous. C'est vraisemblable, mais c'est partiel parce que ça vient de nous. Alors on va essayer de faire une analyse structurale, comme ça on est plus garanti que ça ne vient pas de nous. Bon. Ray, on ne sait pas encore qui c'est dans le cas d'Adam et Ève. On sait que le jardin, il y a l'Éden. Hein? Oui, mais c'est bon, c'est Dieu, non? Dans la place de... Probablement. Javé. On peut dire que c'est... Javé ou... C'est Javé ou bien c'est le Seigneur? Parce qu'il pas encore Yahvé, c'est avec Moïse. C'est ça. Parce qu'il y a la... Oui, c'est ça. On va mettre Seigneur. Parce que même dans le récit, il y a comme deux, si on lit un peu plus avec la calme, il y a deux versions du même mythe. On pourrait les refaire. Avec les maîtres. Ah oui. Il y a comme une sorte de version sacerdotale, je ne sais pas quoi, et une version javéiste qui ajoutait des choses, donc, et c'est celle-là qu'on peut voir. Il y a des différences. Ah oui. Bon. La salive, la terre, la semence, à mon avis, c'est la pomme. La pomme est une semence après tout, hein, une semence d'arbre. Bon, Isis, c'est Ève. Le serpent, c'est le serpent. Piqué, c'est Adam est piqué quand il accepte de prendre la pomme. Alors au lieu d'être piqué, on va mettre accepté. Ça peut être mordu. Oui, enfin, il a mordu au fruit interdit. Il a accepté de mordre, ou il a mordu, ou... Peu importe, c'est le fait d'accepter l'opinion du serpent, qui sort de la bouche du serpent, qui persuade. Hein? Recevoir le serpent de quelque façon. C'est ça. C'est faire piquer ou accepter sa proposition. C'est ça. La souffrance, c'est la culpabilité. La culpabilité d'Adam qui a accepté de manger du fruit. culpabilité, accusation, tout ensemble. Oui, c'est ça. L'accusation de Dieu. Bon, non, secret, pouvoir de guérison, ça... Parce qu'on trouve aussi l'idée du nom aussi. Enfin, bah, moi, j'ai pas réussi à lire ce que vous aviez envoyé, mais comme quoi, c'est une fois qu'ils sont chassés du jardin d'Éden, que c'est à partir de ce moment-là que Adam, il appelle sa femme Ève. C'est ça qui est trouvé dans un texte. Ah oui. Ah oui. Ouais. Qu'avant, il n'a plus de femme, puis qu'après, il lui donne un nom, Ève. Intéressant. En même temps, je dirais qu'il y a quelque chose par rapport parce que à ces noms secrets. Aussi, il y a quelque chose de ces fruits à partir de ces noms secrets qui étaient interdits pour ici, mais qu'elle a dû refaire quelque chose pour avoir accès à ça. Ces fruits étaient interdits pour Ève, pour Adam et Ève. Aussi, elle a fait quelque chose pour arriver à cette. Et que cette fruit, c'est l'arbre du savoir. C'est la différence entre le bien et le mal. Ces fruits, c'est le fruit du savoir. Oui. Et ici, elle voulait savoir aussi quelque chose pour avoir accès à ce qui était interdit. La connaissance de tout, les pouvoirs de tout. Oui. Pour avoir ça. Et c'est la serpent qui a fait la médiation pour y arriver. Connaître la pomme. Oui. Mais la serpent donne accès au tout savoir, au tout pouvoir. Hein? C'est comme ouais, ça. Peut-être. Et puis un point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la terre. La terre qui se retrouve justement dans le nom de Adam. Adama, c'est la terre. Est-ce que c'est de la pomme, si je suis pas sûr. Mais je crois qu'il n'y a pas allusion à la pomme comme telle. C'est une... Comme on dit la pomme d'Adam. C'est comme une tradition orale de quelque chose. Mais ce qui est écrit, c'est l'arbre, les fruits de l'arbre du bien et du mal. Il n'y a pas question de pomme. Non, il n'y a pas question de pomme. Okay. C'est un arbre. On dit un fruit. Un fruit, exactement. Ce qui nous rapproche plus de l'idée de semence. Exactement. On peut supposer, si on suit la même logique, que le Seigneur a souffert autant que Ré de ce que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis défendu, oui. Il y a l'éjection aussi de Adam et Ève. Oui. Alors, dans le rêve de Ré, Ré reste dans son jardin. Ouais. Mais ici, il y a effectivement l'éjection. Comme l'éjection du venin, non, finalement? Du venin. Parce que... Je peux voir le dessin et des pierres, je ne sais pas. Alors, regardez, ici, là, on a affaire à une semence qui est qui est une plante, je veux dire, qui est autant sexuelle qu'agricole. Dans le cas de Ré, on est dans un jardin, Ré est couché par terre, il a sans doute le pénis érigé. Donc on a affaire à une semence qui est en même temps sexuelle et en même temps agricole. Hein? Les deux. On a la terre et la salive. La salive comme semence vient ensemencer la terre. Comme les graines viennent ensemencer la terre. Donc, on a les deux sortes de semences qui sont présentes ici. La semence agricole et la semence sexuelle. Okay. Dans ce mythe-là, on a les deux semences. Ici, on a une éjection du jardin. On a une sortie du jardin. C'est comme si la semence agricole est désormais séparée de la semence sexuelle. À partir de là, les Juifs ne sont plus concernés par la semence agricole. Les Juifs sont plus concernés par la semence agricole. Ce sont des nomades qui sont concernés aussi, uniquement par la semence sexuelle. C'est le moment de la naissance de la sexualité en tant que sexualité distincte de l'agriculture. Le moment où ils sont éjectés du jardin, c'est le moment où commence leur nomadisme et commence la perte de l'agriculture. Et même ça me fait penser comme l'onanisme, la masturbation pour les Juifs, c'est interdit dans le sens de ne pas vertir, on dit comme verter, ne pas jeter ton semence dans la terre. Et c'est ça que faisait Onan avant de coucher avec ça. Exactement. Il se masturbait et sa semence allait par terre. Donc il transgressait dans plusieurs sens, en ne couchant pas avec sa femme, mais aussi en couchant avec la terre, en étant agricole. C'est fascinant, hein? Donc au fond, y a quand même une différence, c'est que dans le premier mythe, il n'y a que deux personnes, dans le deuxième mythe, il y a trois personnes. Mais on peut considérer que le Seigneur et Adam, pourquoi la serpente était une personnalité. Mais le Seigneur et Adam peuvent être considérés comme une seule et même personne, comme Ré s'étant dédoublé. à ce moment, quand on identifie le Seigneur et Adam, Ève apparaît tout à fait comme similaire à Isis. Il n'y a pas de... Et au lieu que ce soit le serpent qui manipule Ève, ça peut très bien être Ève qui manipule le serpent. Hein, donc il y a eu comme des légères modifications, mais les mythes sont tout à fait semblables, hein, c'est fascinant. Et pourtant, personne n'a découvert ce lien entre la mythologie mésopotamienne, on dit, hein, des Juifs, et la mythologie égyptienne. C'est étonnant quand même. Mais c'est très logique, c'est de l'Égypte qu'il sort. Oui. Avec beaucoup de... Même la... La Genèse, on dit. La Genèse. La Genèse qui dit comme tout le temps, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils voulaient retourner. Donc, et Moïse, il était déçu parce qu'il adorait les mêmes dieux d'avant tout le temps. Portait avec eux la culture égyptienne tout le temps. Oui, mais ça, c'est supposé être avant l'épisode de Moïse. Ça, c'est avant même Abraham, ça. Donc, c'est... Oui, mais c'était, je crois que c'était écrit après Moïse. Ah, peut-être. Ouais, enfin. Mais c'est supposé être la mythologie originelle, tu sais, et les gens considèrent que Adam et Ève, c'est une mythologie d'origine mésopotamienne. Ceux qui analysent les mythes disent ça, que ça vient de la Mésopotamie, alors que manifestement, ça ne vient pas de la Mésopotamie. Le but, c'est vraiment de montrer comment on peut structurer les éléments. Comment on peut analyser un rêve et en tirer des choses fascinantes. Analyser deux mythes et en tirer des choses fascinantes, totalement inattendues à tout le monde. Mais dans le fond, on utilise la même procédure, le même procédé pour analyser... Les séances, de la même façon. Sauf que... Les éléments ne font peut-être pas toujours aussi. Dans le sens que là, c'est quand même de lumière, fait qu'on est dans quelque chose où on peut retrouver. Là. J'imagine qu'on ne retrouve pas toujours les deux moments de façon aussi simple. En principe, dans chaque séance, il y a la répétition de deux à trois faits ou événements ou relations dans chaque séance. Il faut avoir une certaine habitude de ce type d'analyse, mais il ne faut pas aller les chercher très loin là. C'est vraiment dans le cadre de la séance que ça se trouve. Moi, juste quand vous aviez demandé de faire des verbatimes, j'en ai fait trois là, pour trois clients, sauf que j'ai oublié des dossiers. J'ai oublié des prendre quand je suis partie vendredi. Mais c'est sûr que juste de me concentrer là-dessus, ça me permettait des fois de voir bien les répétitions dans des événements qu'ils racontaient, mais qui pouvaient avoir des connotations similaires, même si c'était dans le temps, à des époques, tu sais, parlait de quelque chose qui est arrivé quand il était jeune, quelque chose qui est arrivé cette semaine. Puis je voyais des fois des similitudes. Peut-être pas pour les utiliser, mais pour, en tout cas, des fois les remarquer. Voilà. Ils ne trouvaient pas, il y a quelque chose de similaire, puis je laisse les gens plus... En faire quelque chose eux-mêmes. En faire quelque chose, parce que je ne voudrais pas là, plaquer des interprétations où je ne suis pas à l'aise. Puis ce n'est pas nécessaire non plus. Mm-hmm. on a vu, il y a une dimension. C'est la même chose que Lacan a pris. Lacan a pris ça de Lévi-Strauss et a pris ça de Jacobson qui parle du langage qui c'est comme diachronie et synchronie. Donc on peut voir dans la diachronie du texte que comme une chose sont un peu en lien avec les autres et ça donne un peu ces narratives. Mais on peut voir que de façon simultanée, il y a des choses qui sont là aussi, qui font compétition avec l'autre. Exact. Donc, et c'est ça qu'on écoute dans une, on voit qu'il y a quelque chose qui revient, qui prend la place comme, au lieu de l'autre, mais qu'il s'agit de la même chose. Exactement. Et ça m'aide beaucoup à voir un peu. On dirait que l'analyse, il est toujours, l'analyse anthropologique, il est toujours à découvrir ou à faire découvrir au patient son propre mythe. Oui, oui. Mais il y en a plusieurs où c'est supposé qu'il y a un mythe principal. Comme les fantasmes, ça serait le mythe qui organise les autres. Moi, je ne suis pas porté à faire ce genre de conclusion. Parce que, au fond, ça ne correspond pas à la nature du matériel. Le matériel qu'on va chercher dans ces circonstances est un matériel dispersé, morcelé. Et comme les objets partiels. Et c'est leur tordre le bras que de les centraliser autour d'un principe. Tu comprends? C'est comme si on leur impose un phallus alors que eux, ça ne les intéresse pas d'en avoir un. Tu comprends? Alors, s'il y a un phallus qui apparaît d'une façon très nette, ok, j'embarque avec le patient dans cette démarche d'avoir un phallus. Tu as des patients, par exemple, qui en fin d'analyse passent par des périodes où leur image du corps importe, par exemple. Ça veut dire qu'ils sont en fin de traitement, puis ils veulent unifier les choses. Là, je peux nommer cette unification, tu comprends? Mais je ne tiens pas particulièrement à ce qu'elle soit là. Je la nomme quand elle est là, mais je ne suis pas un forcené de l'unification, mettons. Hein? Parce que je sais que dès qu'il y a unification, l'unification a tendance à ne pas respecter la dispersion du matériel anthropologique, tu vois. Je sais pas quoi faire, par exemple, avec l'idée de Freud qui dit tout est sexuel. Il me semble que... Pourquoi il a dit ça, là? Pourquoi il... On dirait qu'il a gâché sa soupe en disant ça. Tu sais, il aurait dû prendre un petit peu ses précautions et dire, bon, dans certaines circonstances, ou... Tu sais... Lui, il parlait plus de la pulsion. Oui, l'énergie sexuelle, mais non, voilà. Pas de la sexualité pour la sexualité. Les gens... ont compris qu'on parlait de sexualité. Comme si on parlait de sexe, mais c'était pas tout à fait ça. Mais écoutez, prenez l'exemple de l'électricité. Quand on a découvert l'électricité, on a voulu mettre ensemble l'électricité et en faire de l'énergie. Mais avant ça, l'électricité, c'était quoi? C'était des différences électrostatiques. Hein, quand je frotte ma chemise, j'emmène des électrons sur mes doigts et ça fait des petites étincelles. C'est juste ça. Mais il y a quelqu'un qui vient qui dit, ces électrons qui font des étincelles, je vais les prendre et les mettre dans un fil et en faire de l'énergie. C'est exactement la même chose. C'est le même principe. Je prends quelque chose du type d'objet partiel et j'en fais un phallus. J'en fais un courant électrique qui va transformer le monde. C'est le même principe. En électricité comme en sexualité. Mais est-ce que l'électricité existe avant qu'on invente l'électricité? Est-ce que l'électricité existe quand elle est sous la forme électrostatique? Hein? C'est à voir. Elle pourrait exister, mais elle attend à être inventée. C'est comme la même chose. Hein? C'est comme l'inconscient. C'est comme l'inconscient, c'est ça. Tu as une énergie sexuelle que tu peux prendre et exploiter pour en faire une société économique. Mais avant ça, tu n'as pas une société économique, tu as une société symbolique où les choses se passent beaucoup plus lentement. Hein? Donc c'est un même système de pensée qui passe d'une logique à l'autre. C'est pas seulement en sexualité, c'est pas seulement en économie, c'est aussi en sciences physiques, c'est aussi en électricité. Dans tous les domaines, il y a un même passage d'une logique à l'autre. C'est fascinant. Alors, on pourrait être passionné par l'idée de cette énergie qui est extraordinaire, qu'on peut exploiter. On a fait un univers avec l'électricité, qui est extraordinaire quand même. Mais est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est la seule voie? Est-ce que on doit tout le temps continuer à aller de ce côté? Est-ce qu'on ne doit pas aller regarder du côté des choses lentes aussi? En tout cas, nous sommes obligés de le faire. Dans notre métier, c'est notre travail, il faut qu'on aille chercher du côté de la lenteur, du côté des structures et des symboles. On ne peut pas seulement aller du côté de l'énergie, qu'elle soit sexuelle, électrique ou économique, ou peu importe. Voilà, écoutez, je pense vous avoir donné beaucoup de matériel, vous êtes fatigué. Et je pense que, même si c'est un peu avant le temps, on peut peut-être... Il est 5h moins le quart. On peut vous laisser vous reposer. Après tout, on a très bien travaillé aujourd'hui.